de Monsieur Ferrand Nestor Joseph, né en 1902 à Villers-le-Peuplier et résident Villers-le-Peuplier, agriculteur, et de son épouse Ferrand Désirée, née en 1899 à Villers-le-Peuplier, agricultrice. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par Messieurs de Chêne et Mikils. Tu peux s'aimer l'anglais, ces bacs-là. Et c'est un nouveau, hein, madame, ce homme-là. Oh, ce homme-là, non. Mais je peux s'aimer le chemin, mais je me rappelle que je ne suis pas ici, pourtant, mais je me rappelle que mon papa veut au CMU et il est coché. Le blé, oh, je suis là. Le flémon est tout le même olivier. Ça va au mois de mars, etc. Oui. Oui, si tu t'es flémon. Des oliviers. Des oliviers. On s'aime. Oui. Et quand j'arrive, ton ainsi. Ah, devons les lire ça. Écoutez, on tient lui, fait non, madame. Tout de suite après l'épître. On a. Et le septembre. Et on flottit déjà à Saint-Lambert. Ah ah. Oui. À Saint-Lambert. À Saint-Lambert, c'est tout le mois de septembre. Parce que l'épître, c'est tout à fait pour tout ça, il nous dit, non? Et puis, on a décidé qu'il y a tout le monde déjà. Tout le monde, oui. Que le monde est tout le monde. Devons de l'épître. Pour tout ça. Oui, ça. Oui, ça. Mais on a vu une aide masse d'été, c'est ce problème des cultivateurs. Qui vient à l'été des cultivateurs à Ville, ça sera Ville et Stolto. Et nous, on a vu tout les fers. Pour nous, venons, c'est une fer. Et là. Oui. C'est vrai, cela. Et là. Absolument. Et donc, on tchèrouive et mois de septembre. Et mois de septembre. Oh. Oh, après la housse. Après la housse. Et puis, on plante tout le frémoil. Tout le frémoil. Oh, oui, ça. Devons aller au pétrole. Devons aller au pétrole. Mon fils, c'est le Saint-Lambert, nous sommes sur 21, tu sais. Oui. C'est le 21? Le 21. Et on a un petit peu de l'émouillage. Et le fremet, est-ce-tu déjà... Sur deux? Oh. Oui, est-ce-tu déjà bien? Est-ce-tu déjà bien pour le pétrole? Oui. Sans demeurer ce n'est pas pour dire. Non. Dans sa fin de... Tu es bien pour les filles, est-ce-tu bien? Et ne j'arrive jamais. Il ne j'arrive jamais. Ne demasse, non. Parce que c'est tout de même un sourd de fromage. C'est sûr, non. Mais le cuisine est un des fromages actifs comme astuce. C'est tout de l'hybride, quand même. De quoi? De l'hybride. L'hybride. On prend fromage. C'est ça. Parce que vous suivez pas fort, hein, madame. C'est ça. Fort. Et on va se coder, c'est pour être dans le bras de strain. On s'amuse. Oh, oui. C'est-à-dire que c'est une sacrée qu'on s'est monté dans l'espoir, un grand blond à faire. Oui, c'est sûr. Et on tourne autour des bras et on met les semelles devant et on les va le voler. C'est ça. Tandis qu'on pâte à l'engrais, c'est une sacrée tôle de qui met des aides, quoi. C'est ça. Et vous venez mettre 25-30 kilos de vin. Et vous s'aimez à deux mois. Oui. Pour les pétrole, c'est ça. Pour les pétrole. L'engrais pour les pétrole. C'est ça. Vous s'aimez ça à deux mois. C'est ça. 50 kilos, 5 kilos, vous voulez passer Nicolas, à 150 kilos à l'été, non? Oui. Dans le temps, c'est plus 25, puis on monte à 5, on monte, il n'y a plus. Oui, est-ce qu'il parle de... 25 kilos à l'hectare. Des engrais composés, non, à la verge de 4,36. 60. C'est 25 kilos à la verge, attendez, hein, 4,36 pour une verge. Mais 4,36, 4,36 pour une verge. C'est pour 4 ans pour une verge. Alors vous avez un hectare, c'est 100 ans. Oui. 100 ans divisé par 4. 25. 25. 25. Alors, 25. Mais c'est qu'il met une commence. Ça fait ça, c'est le début. On est entre 500 et 600 kilos d'hectare. Quand là où c'est-tu le vivre, madame, dans ma son réveil, eh bien, on commence à faire un guide, non? C'est-à-dire, quoi de deux terres. Ringui. Ringui, comme le meuf, ça. C'est ça. Et ça, tout pire, tout mieux. Et une fille, tout ringui, devant d'attaquer en pétrole, donc, quand on veut le temps, on s'y allait, faire l'ancien extirpateur, comme on dit. C'est ça. Avec des brocs de fier. C'est ça. Pour qui vit, et on faisait sur l'an, on le faisait sur le trévier, on le faisait sur le trévier, on le faisait un coup, sur l'an, troisième coup, et on le faisait un coup, et on roulait pour la moindre. C'est ça. Pour le tiers, oui, on s'aînait, pas de pétrole. C'est ça. Mm-hmm. Et ça va y investir sur tout la housse. Pour Tcheroui, pour les pétroles, c'est tu après les pétroles. Ah oui. Ah, il fallait faire le mois d'octobre pour arriver au 15 novembre, parce qu'on mettait dans les pétroles pour vous dire. Comment? On mettait les fenêtres, tant de pétrole qu'on gjorde. C'est pétrole, betterave sucrière, quoi. Ah oui. On mettait les fenêtres, tant. C'est-à-dire qu'on avait 35 vitres, 2 bonnets, 45 vitres, chalet, nous autres, nous avions. Comment 50 vitres, 3 bonnets, parce que le culture, c'était déjà grosse à ce temps-là. Nous étions là, quoi, t'es fond, papa et maman. La culture, c'était déjà belle, mais la première qu'on avait, la même moins. Ah oui. Mais tout à fait, je dis, vous des pièces, madame. Voilà. C'est-à-dire que Charles, nous avions tenu deux bouts. Un bout de cordia et un jaune qui est créé. Fait qu'on faisait tous deux mounias, c'est-à-dire deux coups, trois pièces de francs. C'est une frère qui est allé faire un mounias et moi qui est allé faire l'autre. T'as dit, pas aller plus vite parce que c'est tout à fait allemand. Et quand ils faisaient finir tout pour les pièces, madame, maintenant, la vie n'a pas été cassée pour le gueule, comme on dit, non? Ah oui. Ah oui. Et on les ferait, s'il vous plaît. Est-ce qu'on les ferait? Ah oui, elle est à la force, monsieur. Oui, oui. D'accord de fier, ça. D'accord de fier, c'était bien. Je ne peux pas dire d'accord, on aurait pu dire. Et c'est-à-dire qu'une fille de masse les mettait, elle n'avait plus qu'un fer à l'extérieur. Mais une fois le mois de ce temps arrivé, donc c'était toutes les oncles pour pouvoir trafiquer les betteraves à la sucrerie, sur route. Parce que les routes, ce n'étaient pas des routes comme aujourd'hui. Ah. Sacré tonnerre, non, hein. Tout est tout racaille, tout pirette. Tandis qu'aujourd'hui, on est armé, c'est une salle de danse. C'est-à-dire, vous dites, ben. Pour pas la défaiblir. Charles, on mettait le blé. Le blé, c'est une salle de danse, c'est un minimum en seconde qui met, non. Les blés, il y a une peau dressée. Et on le battait, il faut fleur, au fléau. Oui. C'est-à-dire, c'est pour se protéger le train, les trains. Pour que les stiches soient un peu plus mous. Et quand on blesse tout le monde, qu'il n'y ait pas de plaire, de dire, de dialer, qu'on ne savait absolument rien, fait qu'il était soigné ses pièces. Et bien on prenait deux, trois fois, et on allait faire ça devant. Il y faisait bon, là. Et on commençait à tuer le tif et de loin. Ah, c'est vrai. Bon, Prédo? Ah oui. Elle est vierge, ça. Ah, elle est vierge. Elle n'a pas de loin. Non, il n'y en a plus de brûler. C'est des pièces, mais tout à fait serré, c'est le bon instant. C'est ça. Ça fait un bon frais, donc mes filles n'ont fait rien. Un an, ils font nous, et puis on tortille les pièces, des bons frais, raf, paf, les stuvelles. C'est ça. Oui. Et puis, après les vieilles, allons, comment commence-t-on à travailler? Mais il fallait faire les mois de mars. Les mois de mars. C'est bien la moyenne. Si nous faisons des pièces de biadou et un mois de février, on pourrait finir à l'heure tirou devant. Oui. Mais il fallait faire les mois de mars pour dire on va mettre la fin de terre. Et chez vous, c'est ce qu'on a moins qu'on menait, non? C'est ce qu'on a moins à votre pièce. À votre pièce? Oui. Trois pièces de francs. C'est ça. Vous allez chez Banque, ça. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Et puis... Merci. Les boutiques. Eh bien, si on a vu tout chez Rouy, par exemple, après le terrain de pétrole. C'est ça. Si le terrain de pétrole retourne pas de la main. C'est ça. On cherche quoi? Pardon. On cherche quoi? C'est qui joue jusqu'à ton qu'il est mai de mars arrivé. En mai de mars, quand on a vu le terrain, cherche devant les rivières, on a attaqué faire extirper. Sur l'an et puis sur le terrain. Et quoi extirper? Oui, bah, mais c'est pour planter, ça pas semé. C'est pas semé. Ça fait qu'on laisse tout extirper, Adam, maintenant, c'est né fini dans le mai de terre pour rouler. C'est sûr, rien n'est deux, quoi, quoi. Et puis on s'aimait à le voler. À vous le s'aimer. À vous le s'aimer. Le grand plomb à faire, qu'on s'aime motif devant l'espace. Et non, mais que vous venez vous tourner sur tout votre bras. Et vous venez d'aller 15, 20 kilos de bon vent. Et vous venez d'aller ainsi. À moins, à vous, ça, pour s'aimer les mères. À moins. N'est comme l'engrais, non? C'est ça. À moins. Et puis vous comptez arriver encore en deux dièses. Deux quoi? Deux dièses, comme ça. Deux mètres, quoi. C'est ça. Pas sur votre redoublé, comme on dit. C'est-à-dire que votre semence a vu tout Michel à ton malin, vous répétez pour aller sur longueur, pour que les semences qui vous réunissent rejoignent les scriptures-là. Ton neveu est de pisette, comme on dit, de sanglier, oui. Et. C'est ça. C'est-tu semé? C'est-tu semé? Rajeunis du coup, voilà. Si la terre est grosse, entre les deux côtés, c'est une néon contrôlée. C'est-à-dire pour le mur. C'est-tu pour le... N'importe frumet, ça, c'est pas de l'avoine. Pas l'avoine. Après les vières. Après les vières. Parce qu'on ne mettait jamais des frumets des vières devant les vières. On causait notre frumet en masque. Non, c'est du rôle, hein. On met quand les fenêtres, ça. Aujourd'hui, on sait quoi, on met de masque des frumets, non? Même dans ce temps-là, non? On s'est mis devant les vières. Tout devant les vières. Les blés et le frumet. C'est ça. Les blés, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est ton fils. C'est pas fait de l'oignon, hein? On peut pas fait de l'oignon. On peut pas fait de l'oignon. On peut pas fait de l'oignon. On peut pas fait de l'oignon. On peut pas fait de l'oignon. Les blés, on faisait le couple. Les blés? C'est-à-dire que nous autres, on le vendait, hein? Et nous, on allait faire de l'alpaïs la main pour faire le couple de pain pour lui. Je suis là, quoi. Mais, et puis, aussitôt qu'on a vu s'aimer l'avoine, on commence à travailler les pétroles. On commence à travailler pour autre chose, pour planter les pétroles. Rasette à distance. Trop vite. On est bien. Trop vite. Allez, qu'est-ce que on commence. C'est ce que tu as extirpé deux coups. Puis on y a passé. Deux coups. C'est ce que tu trouveras sur la rainière. Et on roule le coup pour l'œil. Pour ça, on plus ou moins fin. Parce que les semences de pétrole, c'est une assez fouette que ça, non? C'est ton top qui a faire, et on fait hièrement qu'il fallait venir un truc comme ça là sur l'air, on n'aurait jamais de là. C'est ça. Oui. Quand le terre était bien, bien poli, bien moindri, on plantait. Mais vous le vieux système. Qu'est-ce que c'est, tu? Le vieux système, ça veut dire que c'est les boucs qui étiffent les machines. Elle laisse-tu ces quatre roues, arrivé à terre, on vous dit les deux roues de dri. Puis c'est trois rouliers qui s'assitent sur terre, de ce machine-là. Mais devant les rouliers, il y en avait un qui faisait les rouliers. C'est ça. Mais entre les qui faisaient les rouliers et les rouliers, il y en avait un recouvré dedans. C'est-à-dire que c'est toute une affaire ainsi qui les gifle terre et qui recouvre les semences que les avaient fait rouliers. Ah. Et rouliers passaient dessus pour d'amille, pour faire prendre les semences et le faire germer. C'est ce que des rouliers de bois, que moi, 20 cm de hauteur, oui, une affaire. Il n'a plus des osteilles comme ça, Astur. Alors, c'est qu'on veut bien les rouges, mais on les plantait fait 1 kg madame, maintenant. Autant dire qu'aujourd'hui, on plante en une. Oui. Figurez qu'à 1 kg, et non, après quoi, il y a 3 semaines, zut, il rouille tout, non? Ah oui. Fallait faire une rasette, alors. Albinette. Ah. C'est-à-dire que nous avons eu, Charles, Albinette en moins. Après, on l'a fait, ça. Comme ça. Alors, mais comme ça. Oui. À vous de roues. Après ça, mes papas ont acté une poussée à mon poncelet. À trois rangs, non? C'est-à-dire qu'elle a vu trois roues, mais elle prédit trois rangs. Et c'est une pièce qui est chiffre. Nous avons qui mené qui tirif les pièces, et l'autre qui est une vingt hébrée. D'ailleurs, parce que quand Philippe dit oui, pour ne couper le pétrole, mais pour bien passer entre le pétrole, les rêves de pétrole. Puis c'est-tu les bénètes, et puis. Et puis, on sait qu'elle laisse une belle harlée, tout cela, les rouliers passent dessus. Oh! Pour mourir les terres. Et très quoi, après quoi, à distance, mon Dieu. À distance. À vous de raser. À vous de raser. On allait se mettre à 30 cm, 35 cm. On a décidé de mettre une pelote, on a décidé de mettre une pelote. Ça dépend où il y a. Et pour aller faire des trucs, pour des mariages. C'est une distance, c'est du tout bouquet avant qu'elle mourir. Il y en avait des 6 qui n'avaient 5, 6, il y en avait 6 qui n'avaient 10, il y en avait 6 qui n'avaient 2. C'est du rare. Parce que c'est du vraiment trop spé en kilo, c'est du trop spé. Et alors on est. Quand la vienne de mourir, c'est bien qu'elle est une distance et qu'elle est une perle veille. C'est le démariage, le destroc. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, mais on est sec comme vous êtes, madame, maintenant, et on finit. Vous êtes vrai comme elle est. Parce que c'est cela de l'inmaille. Oui. Et les métal. Oui. Des filles qui n'ont pas dit à l'estin pour le matin. Tarané. Si pleuvait, finit en bai, une bruhinote, d'un néon sur tout l'autre. Pas pour le matin, on va arriver de 20h, mais il y avait le dire. Oui. Et on relève peu alors. Ah non, ça, c'est fini. Elle crée. Ah non, elle n'est pas libre. Pour tourner la binette, c'est pour les mauvaises. On laisse une bête de stroke et on se relève et il dit tu joues là. On reverra les falbinettes, on se remettait dans la terre. Mais, oh. Ah. Parce qu'il est une déracinée à la rue d'Istanbul. Oui, oui. Ah, et bien, on dirait mettez-vous dans la terre. C'est ça. C'est une ouvrette, hein? Ah, mais aujourd'hui, l'ouvrette est faite ici, madame. Ah. Mais nos nains se faisaient à coup de bré et à coup de gnaud. C'est tout ce qu'il dit. Ah. Oh, oui. Voilà. Et puis, T'avais-tu des fours, Avélie? Ah oui, non, des fours. Ah, oui, hein. On faisait des fours aussi. Mais tu ne t'en veux pas avec nous autres. Les herbes. Ou des fours, des claves, quand il est. Ça se faisait. Et qui est moi, ça? Et moi, Dieu. Et moi, Dieu. Vous avez fait encore des mouilles, des choses. De la housse? Non. Des mouilles. Des foins. C'est-à-dire des mouilles, quand il. Oui. Des mouilles, c'est-à-dire que c'est qu'il y avait des fours des prés. Il faisait des mouilles, hein. C'est ça. D'ailleurs, quand c'est que la venue de finir en terre, c'est tout mouria. C'est ça. Et puis, il y a une mourir deux, trois jours, il y a une défaut bien du, on a hérité par là, qu'on a pas fait finir. C'est ça. Et quand on avait fini un jour, qu'il reste une étape avancée, on sort de l'autre, ou qu'il fallait que deux jours, on remettait par là, mouria. Les lettres de main, vous, il y a tout à l'âge. Et puis, on ramassait le côte d'azur, et les chars passaient, et vous, non. Et on mettait ça devant les sénats. Devant les couilles. Ah, c'est-à-dire qu'on mettait ça sur les pièces. Dessus les pièces. Et corvaux. Voilà. Pour en hiver. Les corvaux, c'est ce que tu as coupé de sto de vache. Oui, Dieu. C'est ça, c'est ton corvaux, ça. C'est ton corvaux. Non, nous, pour nous autres, voilà. Oui, mais c'est un wallon de vélé, je n'ai jamais été un douchard. Mais c'est le corvaux, c'est un domaine de sauvain, et d'avoir vu aussi sur le pièces. C'est un héritable que, si vous voulez, on fait que vous savez, non? Qui peut être des gens bien parqués, hein, oui. Et on mettait là le compète. C'est ça. Et puis c'est eux, la housse. Non. Quand c'est nous ramassons des fous, les pétrons, c'est une négofinie, hein, les petites pétrons. Ah. Il fallait bénéter. On savait déjà que vous bénéter un paquet ou deux, qu'il fout, c'est eux là. Il fallait freiner, il fallait couper, c'est là, non? Oui. Des moments, c'est eux là. Ça fait qu'on le fout, c'est eux fini. On s'est allé faire pétrons. Si on dit, vous êtes bénéti, qu'on a bénéti, bénéti. Et après cela, on l'élève, qu'on crée, Dieu, nous aurions dit, Dieu, c'est une affaire ainsi. On s'arrive tourner, Pétra. Non, Pétra. Remettre dans la terre tout en tout, arrasé, à moi. Il en a dit tout. L'avoine, il fallait qu'on s'en aille. Ah, parfois, oui. Il fallait qu'on s'en aille. Mais c'est dit, John Fleur, là. C'est justement que dans tout cela, il fallait enseigner. Couper tous les chenilles. Ah, vous quoi? Vous êtes riche? Ah, vous êtes deux là, oui. Ah, vous avez un couteau? Et quel couteau? Terrible. C'est vrai, j'ai dit, monsieur, quand il pense, c'est qu'on veut l'ouvrir, tu vois. Qu'est-ce qu'il se fait aujourd'hui? Non, on veut rendre. Est-ce que c'était possible de le faire comme ça? Est-ce que c'était possible? De temps de pétrole, qu'on dit, le petit pétrole. Oui. À la housse, monter, fait un orage. Les grains, c'est poté. Ça flive, ça tourbillive, qui n'est pas fini. Les grains, nous allons les couper, c'est comme ça. Comme ça. Vous n'avez pas moyen de tenir un côté fort, Allemagne, non? Comme cela, Allemagne, pas moyen pour ne pas le faire. Et alors? Ah, c'est 4-5 coins ici, 4-5 coins ici, et 4-5 coins ici, on t'a déjà bien, comme on dit. Il est-tu flaqué, quoi? Flaqué. C'est-à-dire à rose, c'est tout à rose qui nous domine ça. Tellement que ça est tout ici, et là ça est tout ici de l'autre sein. Enfin, arrête. C'est vrai que non, c'est vrai. N'est-ce pas? Non. Et nous l'avons souillé la veille, hein? On bouillit. Aïe. Mais qu'on est-tu de l'eau, ça arrive, mais c'est madame. Ah, on est-tu de l'eau. Ou plus ou moins incliné, là. Oui. Qu'il a vu souffler, il met le stuto et vous, d'un trac, là. Incliné, ah bon, mais tu t'en dis à vous, Bon, et puis alors? Et on se voyait plutôt sûr, ou? Vous étiez là deux fois, même fait. Et deux rascodeux, mais deux sûr. C'est une rascodeux, ça, non? Oui. Un papa qui se vifle, qui le vifle, qu'on s'est offre, moi. C'est-à-dire qu'il a un bon rascodeux, bon sourire. Bon sourire. Tandis que mon papa, le veillant un an, se vif et lui, comme ça se tue à fermer. Tandis que la veine, il devait dévorer 4-5 dieux et jambia. Tant. En terre. Et puis, il fallait retourner. Pour le faire finir tout seul. Et puis, après ce temps-là, donc, on le mettait sur le lien et on le lui tortouait son nom. Comme il le mettait sur le lien et nous autres, nous le lui. Job à job. Ah oui, ça. Une par une. Et puis, on s'est fait dire. Et on conseille qu'on veuille qu'il t'en stubia de Morinda. Qu'on veuille qu'il t'en se marif, il y en avait 50 ans, il y en avait 70 ans, c'est-à-dire 600 ans. On l'a relevé en ligne, tantôt, à 10 ans, 10 ans de l'un chaque. C'est ça. Parce qu'on avait dit tout le temps, c'était là. C'est-tu terrible, non? Et c'est-tu juste la housse, hein? Ah oui, à ce tu, on fait un peu la housse comme ça. Ah non, non. Les grains vins à tchor, on l'en est touché. Il est occupé, on l'en est touché. Il est même battu? Ah, battu, tout à fait. Et qu'on l'en est touché? Et on l'en est touché, non? Parce qu'on va compter au dépôt. Il est là, et tchor, et herna, comme on dit. Il y en a 3000, la 4000, la 5000, ça dépend. Herna, oui, les tchor. Eh bien, on arrive à une petite bouche sur le drit de tchor, on arrive. À mon grossiste que j'ai su, on lève l'affaire et tout me devait glisser, et vous, il devait glisser, on en est touché, madame. Et vous, c'est voilà que mec, ça va aujourd'hui. Oui. Mais nous autres, qu'on laisse tirer une de châle, il fallait battre en manège. En manège? Et devant cette histoire-là, regarde. Non. Les pays, hein. Les plus top, là, pour rien. Parce que les trains servaient pour faire de l'oeil. Hein? Et on ne peut les tenir cassés, tandis qu'il y a une machine. En manège, c'est une machine à broc qui nous mine ça. Les strings, tu t'as cassé. Alors, les grains, il fallait. Ah, les grains, il est tenu au bout d'un paille, les strings, et tout ça. Il fallait le vanner. Et venir dans mon chalter. Il fallait le vanner. Et là? Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est un hostie? Un hostie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on a décidé 2 km. Ça se tourneront à faire ainsi, à vous le voir des fiers qui passent les temps. Ben, cette livre des eaux est dure, là, vous. Maintenant, 12 kg de maille, c'est le même. 25 kg, c'est quand même. Mais on se dit, 12 kg de maille, il ne fallait plus pour 5 kg, là. Pour mener à bagage. Tandis qu'on des 25 kg, il ne fallait pas pour 5 kg. Ah oui, parce que la maille, il fallait plus. Et c'est une mesure, c'est une prix. C'est une prix. Tiens, Arthur. Il n'y a quoi, non? Par exemple, on est trop brûlant. Parce que, ben non, il avait des grosses basculeurs qui pesaient 5 kg ou 5 ou 2 5 comme on dit, madame. Ah, c'est bien, non? Ah, nous restons arrivés pour impliquer les grains. Ah, on est battu. Je suis battu qu'on est en vanille, madame, pour mettre les pailles d'un côté et le grain de l'autre. Comprenez-vous? Ah, oui. Alors, qu'on a vu 5 ou 1000 kg de vanille, on l'a appelé Fausti, comme il vient d'expliquer. Et puis, pour le vivre, et on a eu un livre, on sait qu'on avait tout fait, il avait 35, il avait 40, il avait 25, il avait le petit radius. On les mettait Fajor, on les mettait au dépôt, à la CBI. Et là, on va jouer en syndicat du destin, là, non? Nous, qu'on est-ce que tu tires assez? Les mounis passifs, toutes les années. Et on les mettait tous les mois. Mais ils ne consommaient pas tout. Non. Parce que Charles, non, monsieur, non. Nous avons la suite de jours, de la rousse. On battait flamand. Mais la moine, est-ce que tu es bon parti? D'après nous autres, un papa, on arrive. Elle laisse tu à point. Ça prend des 8 francs, de 10 francs et 12 francs, la dernière montée, enfin. Il me rappelle bien qu'on coule nos bâtiments. Il me rappelle bien qu'on coule nos bâtiments. Elle peut être stupide là, oui. Et sur le bruit du poussin, c'est bon. C'est bon. Elle avait passé la voiture, elle s'est arrêtée et elle avait mis bien pour la voiture. 21 francs, tant pis. 21 francs, là. 21 francs. Et qu'est-ce qu'elle avait dans la rue? Non. Elle avait dans la rue. Elle avait dans la rue. Elle avait c'était la vie, enfin, voilà. Mais de vue, qu'elle n'est pas vrai. Qu'on a venu ainsi pour la voiture, on est venu ainsi de tirer ainsi. Il était à mes enfants, dans mon pays. On peut dire sur l'escalier jusqu'à Doltu, et non, on s'épelève tous les fêtes. Mais bon, il y a un peu de mal. Mais monter sur l'espace, on nous est tranquille. Je pensais qu'elle masse arrivée, je l'ai montagne. Comme les acheteurs devant la route, qui n'avaient pas l'air d'avoir un enfant de bouille, mais que c'était tout le monde qui faisait le travail. Et donc, ben, les paysans ont accosté, il fallait de la peine, courir. La peine montait, finir. On le fait dire. Même on le fallait quoi de 50 ans. Elle veut mettre le charge sur le toit. Oh, oh. Ça va passer de deux bouquets à vous. Je ne connais pas qu'on en a encore plus à deux. Merci. Je vais dire une chose. On trouvait qu'on croit. Mais de l'Espagne. Je suis de Mali. Le temps pour fourché. Bon. À ce heure, on était dans le même harmonie. Les monnaies passées deux fois par semaine. Charles, on était sur des 5 kilos encore. Hein. Oui. Et ils ont les 65-70%. On faisait les points. C'est-à-dire que les pourcentages qu'on voulait faire, enfin, parce que nous avions des belles farines, nous avions de l'herbelé, puis le latin. C'est ça. C'est un homme qui disait pas tout. Mais. Et vous voyez, très bien, et puis vous voyez, faux. C'est de la douce sous une dégotée. Tu as fait pour le pire de le pain, là, non? Oui. Oui. Mais nous avons entendu une chose. Et on s'est dit quoi, à vous, telle levure? C'est-à-dire que normalement, mon restant de tout, dépasse, ça doit faire une bouillie, non? Vous avez déjà l'air, vous avez même, vous avez un kilo, mais. Elle mettait une chambre en pot. Et on mettait baissé en copain. Et un coup d'après, maman m'a l'indriqué. Les moyens, c'est comme ça. Pour les mettre pour le mêler, un boule de verre, elle fallait pour le filet, c'est le moyen. Pour le faire fermenter. Et voilà, qui mettent sur des points. Mais il faut. Ça veut dire qu'on était pour le manège. Je veux dire, le salon des étudiants, le gros manège. Qui m'en avait des points. Quoi? Le bâtir, elle peut être suspendue là. Et sur le bout, il poussait avec. C'est bon, elle veut passer la voiture, ça veut s'arrêter, elle avait mis tout le poids là. 21 francs, on dit. 21 francs, là. 21 francs. Et tu sais, elle avait une rue. Non. Elle avait une rue. Elle avait une rue. C'était la vie, enfin, voilà. Mais je devais qu'il n'y ait pas ça. Qu'on a venu ainsi pour la vente, mais je ne suis pas de tirer ainsi. Il était avec les gens. Il y en avait 50, il y en avait 70, c'est-à-dire 600 jobs. Mm-hmm. On les relevait en ligne, tortue, à 10 jours, 10 jobs de main chaque. C'est ça. Parce qu'on avait tiré tout le temps, c'est-à-dire. Est-ce que tu es rêve? Et c'est juste la housse, hein? Oui, à ce tour, on fait un peu la housse comme ça. Oh non. Pfff, les grains. Suite du témoignage de Monsieur Ferron Nestor, né en 1902 à Villers-le-Pouillet, agriculteur, et de son épouse Ferron Désirée, née en 1899 à Villers-le-Pouillet, agricultrice, résidente tous deux Villers. Témoignage recueilli en 1979 par Messieurs de Chêne et Mikils. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oui, pour tout le monde, ça c'est destiné. Ah oui, naturellement, c'est destiné, une chose, non. C'est tout le monde pareil. Ah ben, c'est pas qu'il n'en avait fait dans les telles, mais... Non. Mais il va être temps de raconter. C'est ça. Et puis c'est tout des telles, et puis après, on joue de la ligne, prendre les crèmes de qu'est-ce que tu as copiette, et on met des... Et là, on peut... Je l'avais eu fait, mais ça. Et puis, il n'en avait une épée, c'est un pot de grès, avec un patrouille contre lui. Je n'en avais pas. Je n'en avais pas fait une épée, ça. On peut copier des bébés, on en a. Et on trouve maintenant. C'est un moment qui est passé fait trop, et des autres pas aller et pas. C'est une plombe. Et on allait faire comme ça. Jusqu'à temps que le bourre sortait. On l'a pas fait en 40 ans. Non, trop. Il fallait fêter longtemps pour la vue. On a déjà fait ça en 2002, parce qu'il n'y a pas fait d'année. On faisait ça en 40 ans. On a fait fêter d'année, on a déjà fait en 2002. Et on court. C'est ça, des mononges, là, je me disais, pas vraiment, mais c'est moi. C'est une Christine Mora, de tout défier avec le bateau. Boum, au bon coup. T'as fait le coup fou des. Mais bon, t'as les crèmes avant le moron. Moi, je l'ai fait la meilleure. Ah, c'est joli. Et puis ça, c'est les tonnières. Ah, non, comme ça. Avant qu'on se quitte les tôt, madame, à 3 heures au matin, 2 heures au matin, on se fait tout en frise. Le temps demain, et on tournait, Fribourg. On mettait Fritonia à l'ouche, vous. Mettait Fritonia à l'ouche, et on tapait 2-3 céréales de vin pour rafluter comme fort. Puis on vu des fleurs, on mettait les crèmes. Et on s'attaquait à 2 heures au matin, et allez là. C'est sur les hommes, ça avait tout. Parce que quand tu as le revenu, il n'y avait rien pour le gâteau, non? Parfois. Ah non, ça, c'est tout hit, tout hit. Oh là là. Oh là là, j'avais tout. Putain. Puis quand le beau reste-tu, nous? Ah, c'est sur les membres qui les travaillent, là. À vous, quoi? À moi, non. Des vins, quoi? Ah, des vins de sauce. Une salle. Une salle. C'est-à-dire que c'est un rond à faire. 50-60 cm de diamètre, quoi. Comme ce châle. Mais un rond. À vous deux poignettes, de quoi? Des chaînes. Des chaînes. Et là, elle travaillait dans le pesseline, là. Et puis, ce qu'il fallait pour le manège, on mettait de côté les salives. Et dans l'âme, on mettait une salive. Et elle faisait des stories, des fromages. À vous le reste? À vous le burré. À vous le burré. À vous le burré. Et. C'est ce qui m'a qui s'opine à Sopaberi. Et pour nous, c'est l'école de l'Olympe qui est la gestion, madame. Oui, c'est un peu. Pour nous, c'est là, au château. On a les prêts de Saint-Nicolas, là, oui, c'est un peu. J'ai tout dit, mais. Donc, c'est une avidité. Et pour faire vos parcs à vous? Ah, pour faire mes parcs. Madame Fonsain, nous avons fait un pays de roue. Hein? Pardon, nous avons un souvenir, c'est une séquence. Des souvenirs des livres de Nice. Des livres de Nice, non. Et Esther a une robe aussi. Donc, la vue, les plus vieux, c'est aussi vie que lui. Ça fait comme les plus vieux faisaient ses portes, elle payait des roues à tout le monde. Nous estimons l'eau 14. À mon pensant. À mon pensant, madame pensant. Et puis la deuxième, qui faisait ses portes, c'est aussi vie qu'Esther, elle n'a pas payé des roues. À tout le monde. C'est ça. Mais 14, là. Mais c'est tout ça. Oui, mais c'est tu de Richard aussi. Hein? Oh, c'est là, il est une Richard. Et Pauline Bafé, ça pour les autres. Il a vu une Québec sujet, madame. Ah, il a vu une charge de limousine. Il a vu une voiture ou deux. Il y a ce temps là, non? Qui s'est tué de mon après, là, comme on dit. Qu'est-ce que tu as vu, là? Ah, oui. Astrid, on a vu Charles 2, 3 Charles de Montbourg. Qu'est-ce que tu tenais toutes les propriétés devant les arbres? Vous avez des femmes de chambre, vous avez des cuisiniers, vous avez tout là en question. Vous avez même un sœur. Vous avez même un une religieuse qui s'occupait de ses femmes. Oui, mais nous avons un personnel là. Qu'est-ce qu'on a un sœur? Et c'est pour lui, non? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est là, vous estimez vous ce qu'il fallait faire des bourses, qu'il fallait faire des vins, les compagnes, etc. Donc, ils pouvaient bien payer les robes tout le même. Hein? Ils allaient en vacances. Ils allaient en vacances. Vous allez voir en vacances, vous autres. Il a vécu un hôtel à Ostende. Et quand on disait, bon, monsieur, la famille de Ponsin, monsieur et madame, vous partez à Ostende. C'est juste une affaire Ostende pour nous autres. À ce temps-là, oh. À ce temps-là, parce qu'on ne savait même pas où il était Ostende. Témoignez.